Vous écoutez? La croche-oreille. Alors salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL, une radio qu'on syntonise au 89.1 au cadran et à ckrl.qc.ca. Sur la toile, Gaëtan Gosselin, microphone, heureux de vous retrouver. Je vous propose ce soir des parutions récentes du label québécois Empreinte Digitale, un label, une plateforme qui fait rayonner des artistes, des compositeurs, compositrices, musiciens, musiciennes qui sont passionnés d'art sonore et de musique concrète, électroacoustique ou encore acousmatique. C'est un label assez unique puisqu'il regroupe de nombreux artistes qui explorent la dramaturgie sonore, je dirais, un usage du son qui évoque parfois une trame narrative, d'autres fois une trame littéraire ou poétique, voire politique. D'autres diront un cinéma pour l'oreille. Quoi qu'il en soit, je souligne en passant le magnifique travail de documentation des œuvres, chose très rare de nos jours. Alors, grand merci aux animatrices et aux animateurs du label Empreinte Digitale. Cela dit, on débute la soirée avec un projet de création de la compositrice d'origine argentine, Elsa Justel, un projet intitulé « L'ombre du pont », projet qui regroupe des compositions et des expérimentations menées au cours des 20 dernières années et qui exprime des états d'esprit et des préoccupations issues de dialogues avec le monde littéraire et musical sur un mode plutôt trivial, dit-elle. On écoutera donc pour débuter une création qui s'intitule « Dialogue avec Anna », une création qui résulte d'un échange d'improvisation mené par la pianiste Anna Foutel et de tonalité électroacoustique d'Elsa Justel, combinaison formant, disent-elles, un tissu sonore convivial et très harmonieux. Alors voilà, on écoute ça. Thank you. C'était Dialogue avec Anna, une création d'Elsa Justel. Bon, Elsa, musicienne et compositrice d'origine argentine. Elle est née au début des années 40, fait ses études là-bas, puis s'installe en France à la fin des années 80. Justel a enseigné les nouvelles techniques de composition et la musique électroacoustique. Elle a publié divers articles sur la musique. Électroacoustique, justement, et la vidéo musique. Sa musique a été souvent de fois récompensée, bon, aux Juventudes musicales en Argentine en 1986, au Concours international de musique électroacoustique de Bourges, on est en 89, et le prix Ars Electronica de Linz en Autriche, dans le cadre d'un festival important, en 92. Elsa Justel a aussi réalisé des projets audiovisuels et des musiques pour le spectacle et le cinéma. On écoute cette fois une création intitulée « Déjà vu » composé pendant la quarantaine COVID, dit-elle, à la recherche de soutien en ces temps incertains. Ce titre, c'est donc le recyclage de matériaux fanés qui persistent entrelacés dans une vilaine toile d'araignée, dit-elle. Tout ça réalisé au studio de la compositrice à Mar del Plata, en Argentine, et que l'on retrouve sur le label Empreinte Digitale. Alors voilà, déjà vu un autre de ces dialogues, mais avec la vie cette fois. On écoute ça. Je vous présente maintenant des extraits d'un projet pour le moins original. Ça s'intitule « Histoire de soldats ». Un projet de John Young, un artiste sonore et musicien néo-zélandais. Ces histoires de soldats sur le champ de bataille, elles nous sont racontées à travers le prisme des voix mixées à des expérimentations sonores et électroacoustiques. Alors, vraiment intéressant comme démarche. Et pour vous donner une idée de la chose, on va écouter une création intitulée « Un ange à Mons », projet qui s'inspire de l'histoire du militaire John Ewings qui prétendait avoir vu un ange sur le champ de bataille à Mons. On est en Belgique en août 1914. Son récit de cette expérience qu'il raconte plus tard, en 1980, dans une émission radio de la BBC Irlande du Nord, est l'élément central de la proposition. Afin d'approfondir le récit projeté dans l'œuvre, raconte le compositeur John Young, « J'ai conservé, dit-il, la cadence, le rythme et le phrasé naturel des Wings afin d'amplifier l'impression d'anticipation chez l'auditeur. Je souhaitais mettre en valeur l'état d'esprit qui nous habite quand on se rassemble pour écouter une histoire. Les sons électroacoustiques font office de toile de fond, évoquant un passé réimaginé, fruit de la mémoire. Un ange est-il vraiment apparu aux soldats sur le champ de bataille à Mons? Pour réponse, on écoute ensemble cette création intitulée « An Angel at Mons ». Well, I'll just tell him. Told me that I was to come through a terrible lot, time. And they lost a lot of blood, he says. But don't let it scare you. And he says, don't let anything scare you. Bon, c'était Un ange à Mons, création tirée d'un bel opus intitulé Histoire de soldats de John Young, un artiste sonore et compositeur de musique électroacoustique. Bon, il est né en Nouvelle-Zélande. Il vit actuellement au Royaume-Uni. On raconte que son principal centre d'intérêt dans le domaine de la composition demeure la musique acousmatique, en particulier celle dont les formes reposent sur l'interaction entre des sources sonores naturelles et des matériaux traités par l'ordinateur en studio. John Young a obtenu de nombreux prix, s'est manifesté en concert au Québec et un peu partout dans le monde. Alors, pour compléter la demi, on écoute un extrait d'une création intitulée Filaments and Phases. C'est une création issue d'une collaboration, cette fois, avec Simon Peril, sous l'intitulé Espace lointain. Alors voilà, on y va. Thank you. to luminous twists, luminous twists. Vous écoutez CKRL Radio. Vous écoutez La Croche Oreille. Vous écoutez La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL, qu'on retrouve aussi sur la toile à ckrl.qc.ca. Gaëtan Gosselin au microphone, accompagné ce soir des toutes dernières parutions du label Empreinte Digitale, un label québécois qu'on retrouve facilement sur le web et sur la plateforme numérique Bandcamp. Bon, actif depuis les années 90, le label Empreinte Digitale est une des rares références en musique électroacoustique, et cela dans une gamme de sonorités très audacieuse, comme on en retrouve dans ce projet de création intitulé Radio Laria de la compositrice et artiste sonore Anna Dallara Mayek. Bon, qu'est-ce que c'est que Radio Laria? Eh bien, c'est un cycle d'œuvres électroacoustiques mettant à l'honneur les sons du Boucla 200, un synthétiseur modulaire emblématique des années 1970. Anna Dallara Mayek nous offre donc une série d'improvisations qu'elle a réalisées sur cet instrument lors d'une résidence à Stockholm, en Suède. On est à l'été 2022. On raconte que le cycle Radio Laria s'inspire de la vie des fonds marins et tout particulièrement du plancton qui constitue une grande variété d'espèces animales et végétales, tant microscopiques que macroscopiques, animaux qui dérivent au gré des courants d'eau. Avec le Boucla 200, dit-elle, j'ai cherché à créer une collection de couleurs sonores pour représenter les différentes espèces peuplant le plancton. Je me suis aussi intéressée à des jeux d'espace en exploitant la réverbération de type analogique pour faire sentir un mouvement de vagues et des courants sous-marins. Alors pour débuter, on écoute avec une création intitulée « Perpetuum Spirae ». C'est tiré de l'album « Radio Laria » de Anna Dallara Mayek. Thank you. Eh bien, je vous parle à grands traits de cette artiste sonore et compositrice québécoise, Anna Dallara-Mayek, qui vit et travaille à Montréal. On raconte qu'elle s'intéresse notamment aux interactions qui relient les pensées instrumentales, électroacoustiques et informatiques dans la composition musicale. Son parcours d'études s'est articulé entre la France et le Québec, obtenant en 2016 un doctorat en composition de l'Université de Montréal. Anna joue régulièrement dans l'ensemble ILEA et collabore avec de nombreux ensembles, dont Architecte Percussion, Paramirabeau, Quasar, Sixtrum, bon et j'en passe, des ensembles qu'on a pu écouter à l'émission. En 2020-2021, elle a réalisé ses premières installations sonores dans le cadre du projet intersectoriel aux oralités dirigé par Philippe Aubert-Gauthier. Son travail musical est publié chez Coolin Stuff Records et aux éditions Henri Lemoine et sur la plateforme Empreinte Digitale. Alors voilà, on écoute cette fois Parasiti Fluxic, une composition à propos de laquelle Anna a voulu créer un environnement imaginaire où l'auditeur pourrait entendre la voix du microplancton. Je l'imagine, dit-elle, comme des petits points isolés de frêles parasites qui errent dans l'immensité de l'eau. C'est tiré, je le rappelle, de son projet intitulé Radio Laria. Alors, on écoute ça. C'était Parasiti Fluxique d'Anna Dahl Aramayek sur son synthé modulaire Boucla, qu'on retrouve sur étiquette empreinte digitale. Bon, c'est le fil conducteur de la soirée que ce label fortement engagé depuis plusieurs années maintenant à la promotion et au rayonnement des musiques électroacoustiques, des musiques qu'on appelle aussi acousmatiques ou concrètes. Pour compléter la soirée dans cette veine, je vous propose les travaux récents de Dominique Bassal. C'est un compositeur, un ingénieur du son, né au Caire au milieu des années 50, qui vit et travaille au Québec. Après des études de musique électroacoustique, il fait mille métiers, dit-on, arrangeur, réalisateur et gestionnaire de studio au service de la musique pop. Lorsqu'il retourne à l'électroacoustique au début des années 2000, c'est pour passer les savoirs et les techniques de l'industrie vers les pratiques d'expérimentation. Je vous propose quelques extraits de son projet récent intitulé « Écraser l'autre », un album qui se veut un écho critique des pratiques acousmatiques, parfois un peu trop savantes, prisonnières, dit-il, d'une convention antipathique, ascétique, voire exclusiviste. Bon, en réaction, raconte Dominique Bassal, « je reste résolu à humaniser le contenu de mes pièces musicales », qui sont aussi des critiques un peu acerbes de la société en général. Alors, on écoute une création intitulée « Saint-Barthélemy, le Parthé », une œuvre sonore qui se fait l'écho, cette fois, des tensions qui agitent les mondes religieux et politiques. Ça se passait il y a longtemps, et puis je pense que c'est encore d'actualité. Alors, on écoute ça. On nous raconte dans la documentation d'accompagnement que la démarche musicale et sonore de Dominique Bassal est le fruit d'une démarche visant à rapprocher la création sonore des normes de la production, héritée de son expérience en réalisation audio et en mastering, en gardant le cap toutefois sur le plan esthétique, sur des ambiances polyphoniques, des agencements sonores, parfois tendus et angoissants, parfois étranges et foisonnants. Voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie d'Elsa Justel, John Young, Anna Dalharamayek et Dominique Bassal. Grand merci aux artistes, collaborateurs et collaboratrices de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres que vous retrouverez sur le label québécois empreintedigitale.com pour les retrouver sur la toile. Alors, grand merci à Jean-François Denis, d'ailleurs, qui anime ce label Empreinte Digitale. Je vous rappelle que vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille, ainsi que toutes les émissions diffusées jusqu'à maintenant. Cela dit, restez des nôtres, c'est Rock Medium et Mathieu Johnson qui s'amène dès 22h. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 21h, pour une autre aventure sonore. On termine la soirée sur des sonorités de Dominique Bassal. Voilà, depuis les studios de CKRL dans Limoilou, au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue.